Bonsoir à toutes et à tous. Je sais pourquoi ça marche pas bien. C'est que je suis arrivé juste à l'heure. J'ai débauché un petit peu en retard de mon boulot et du coup, j'étais pas prêt. J'ai pas eu le temps de tout vérifier. Bon, c'est pas grave. Nous en sommes à la saga numéro 650. C'est le 8 octobre 2025. Et l'album de la semaine, c'est l'album Look Up de Ringo Starr en 2025. Il a sorti au mois de janvier. C'est un album country. Je vous rappelle qu'il en prépare un nouveau dans l'année 2026. Tant mieux. Il y a un album entier. Et on écoutera Time on My Hands, Thankful, Breathless, Come Back et également Can You Hear Me Call. Hein, j'ai dit Look Up. Je crois que j'ai oublié Look Up. Voilà. Il y aura également du Harrison, du Lennon, du McCartney et des Beatles. Pour Harrison, ce sera Behind That Locked Door sur All Things Must Pass en 70. Lennon nous chantera Cripple Inside l'année d'après en 71 sur l'album Imagine. Et McCartney, ce sera Country Dreamer. C'est la phase B de Helen Wills sortie en 1972. Quant aux Beatles, là je l'ai choisi par Ringo Starr. En 89, je crois, il faudrait que je vérifie. Il a chanté avec Buck Owens, l'auteur de cette chanson-là, Act Naturally, pour son best-of sorti en 2005. Et c'est un bon moment, un moment plutôt très très sympa. Vous entendrez ça tout à l'heure. On se retrouve sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Et on est ensemble jusqu'à 22h dans la joie, la bonne humeur et tout ça et tout ça. Attendez cette année un Ringo Starr en numéro 1 de la country pendant quelques temps. Il nous a fait cette surprise. Ringo sur RIG. I used to have a true love. Everything was fine. But now she's found a new love. She's no longer mine. I thought it was forever. But she had other plans. Now these arms are empty, and I've got time on my hands. I turned my collar up, kept my eyes turned down. I walked the empty streets, the blue side of town. When she was my baby, I was a busy man. But she slipped through my fingers, and I've got time on my hands. Time on my hands. Lessons been learned. I'm over her now. That bridge has been been lonely too. Janvier 2025, Look Up est le 21e album studio de Ringo Starr et son premier album entièrement country depuis Beaucoup Soft Blues en 1970. Oui, il y a eu d'autres chansons country entre, notamment par exemple la fameuse Are You Ready sur Liverpool 8 que j'adore, vous savez, je la passe régulièrement dans la saga. Et enregistré entre Nashville et Los Angeles, l'album a été produit par T-Bone Burnett, et Ringo chante et bien évidemment et joue de la batterie sur toutes les chansons. L'album s'entoure de plusieurs figures majeures de la scène country americana: Billy Strings, Molly Tuttle, Alison Krauss, Larkin Poe et le duo Lucius. Ces invités apportent chacun leur univers, guitare bluegrass, harmonie féminine et une ambiance chaleureuse rappelant les sessions de Nashville des années 1970. Look Up marque un retour sincère et apaisé à la musique country. T-Bone Burnett met en avant la voix grave et tranquille de Ringo, soutenue par des instruments acoustiques, pédales steel et violon. L'ensemble respire la simplicité et l'authenticité. On y retrouve l'esprit de Beaucoup Soft Blues, mais modernisé et plus introspectif. Why are you still crying? Remarquez, la saga se la joue country ce soir. Après Ringo Starr qui a donné le ton, George Harrison avec Behind That Locked Door. À l'instant, c'était un peu du ragtime, on me dit. Ça se rapproche. J'ai essayé de vous mettre ou de la country ou quelque chose qui se rapproche, qui fait penser à de la country. À l'instant, c'était John Lennon avec Cripple Inside. Voici McCartney dans ses œuvres avec Country Dreamer, qui est la face B de Helen Wills en 1972 sur un single.

Extrait de l'album de la semaine, l'album Look Up de Ringo Starr, sorti cette année en 2025 forcément. Look Up, c'est la chanson titre, elle est optimiste, elle mêle des harmonies douces et du banjo. La raison pour laquelle, j'allais dire Paul McCartney, même si en 2026 on parlera de Paul McCartney avec un nouvel album, la raison pour laquelle donc Ringo Starr sort un nouvel album country en 2026, c'est tout simplement qu'il en avait fait beaucoup, ils avaient produit beaucoup de chansons pour l'album Look Up, et il en restait globalement de quoi faire un album de plus. Alors il a travaillé un petit peu. Et voilà pourquoi il a quasiment terminé le nouvel album qui sortira quelque part en 2026, et bien entendu, nous, on sera là pour en parler sur RIG dans la saga des Fab Four. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone, and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Calling me back again. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et deux auditeurs. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant, passionné, en un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des femmes fortes. Nous sommes restés la même année, en 1965, d'abord à part I've Just Seen a Face sur l'album Help, et puis What Goes On sur Rubber Soul. Et quand on avait demandé à Ringo Starr, parce qu'il me semble que What Goes On est la seule chanson co-signée par les quatre, et quand on a demandé à Ringo Starr ce qu'il a apporté à cette chanson, il avait dit juste deux, trois mots, pas plus, en rigolant. Ah, celle-là, elle est sympa. George Harrison. En 1971, face B de Bangladesh, Deep Blue sur RIG. When the sunshine is not enough to make me feel bright, it's got me suffering in the darkness. It's so easy come by on the roadside, one long life. me deep blue. No, I'm deep blue. When you stand the watch, tired bodies full of sickness, come paint to show you just a helpless. You really are when you get down to the truth. Me deep blue. No, I'm deep blue. Heart of the Country. Bien entendu, ça date de 1971 et de l'album Ram. Mais en 2012, je crois que c'était pour une publicité, puisque ça dure une trentaine de secondes. Il en a fait un remake qui était plus adapté à sa voix de l'époque en 2012. Et il pourrait faire ça de temps en temps sur certaines chansons. Je suis sûr que le public aimerait aussi. Not easy. C'est mieux comme ça. On revient avec l'album de la semaine, Breathless sur RIG. Ringo Starr. Every time I think about you, I never want to live without you. And every time you come around, my spirit flies and my heart beats hard with a love that's deathless, and I'm breathless. Every time I think about you, I wonder how I live without you. I'm amazed, I'm amazed. When I see you on the avenue, my heart beats with the love that's true, with the love that's deathless, and I'm breathless. Yeah, I'm breathless. Steps coming up the drive. I listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock ticking on the mantel shelf. I see the hands are moving, but I'm by myself.

and I'll be better. I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt. Les Beatles, bien entendu, avec Rocky Raccoon, mais auparavant, il y avait une version que vous n'avez peut-être jamais entendue de Ringo Starr, parce que je crois que je ne l'ai jamais passée, je ne l'appréciais pas tant que ça, mais vu que c'est un thème country ce soir, dans la saga des Fab Four numéro 650, eh bien, elle passait bien, c'était Don't Pass Me By, et justement, en redo, sans doute, hein, quand on écoute la chanson. C'est sur l'album Give More Love en 2017. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson plutôt sympathique. Vous êtes bien avec Thierry Gallet. On est ensemble jusqu'à 22h. Après, il y aura Eric et son extraordinaire émission de Johnny de A à Z. Mais pour l'instant, restons dans le domaine plus ou moins country. On fait ce qu'on peut. John Lennon en a fait un peu moins que les autres. D'un autre côté, il a malheureusement pas eu la même longévité que les autres. Voici une chanson que j'adore sur son dernier album en date, dernier album de son vivant, l'album Double Fantasy. Et le titre du morceau, c'est Clean Up Time sur RG. Vous l'avez deviné, c'est une version spéciale. I'm version que vous connaissez. Bubble, bubble. As well, oracle spoken, we cast the perfect spell. Queen is in the counting house, counting out the money. The king is in the kitchen, making bread and honey. No friends and yet no enemies, absolutely free. No rats aboard the magic ship. A perfect harmony. Now it begins. Let it begin. Clean up time. Hey, clean up time. Center of the circle will always be our home. Yeah, yeah. George Harrison a su s'entourer dans sa vie, quelquefois se faire des grands plaisirs avec des associations, avec des guitaristes de renom et notamment quelquefois ses idoles comme Carl Perkins. Il chante avec lui Your True Love sur l'album Carl Perkins and Friends. Ça a été enregistré en 1985 et il y a Dave Edmunds également présent sur cette chanson-là et Carl Perkins. Well, God made the world and made Dreams, everybody. Et retour à l'album de la semaine et ce merveilleux titre de Ringo Starr sur l'album Look Up, la chanson, soit qui a donné le nom à l'album, à moins que ce soit l'inverse. Look Up sur RIG. De parler de la, comment on appelle ça, la cover, voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo et George, que ce soit du temps des Beatles ou une fois la carrière séparée. Si eux ont chanté cette chanson-là, même si eux ils la reprennent de quelqu'un d'autre, genre Carl Perkins justement, eh bien c'est pas grave, c'est, si vous reprenez ou quelqu'un de connu ou pas la reprend, c'est la cover de la saga. Et là, c'est quelqu'un de très connu. Il a été grand fan des Beatles, il a été fan de McCartney, il s'est un poil fâché avec lui parce qu'il a pris quelque chose que McCartney voulait comme de la blague, il l'a mal pris. Peut-être qu'il n'est pas forcément bien luné, hein, fait le connaissement. Bref, en 1981, sur son premier album solo post-Genesis, même s'il est revenu chez Genesis après, il a repris la chanson « Tomorrow Never Knows ». Voici sa version à lui. We'll be right back. 1979 sur l'album de George Harrison qui s'appelle George Harrison. Il n'est pas allé chercher loin le titre de son album. Dans un trois quarts d'heure, un peu plus, il y aura la fantastique émission de Eric. Eric et son émission Johnny de A à Z. Et le thème de l'émission de ce soir, ce sont les versions alternatives. Donc je suppose, il y a deux possibilités, il faudrait que je lise pour savoir. Soit il pourrait vous proposer, écoutez, je lis. Une version alternative est une interprétation ou un enregistrement différent d'un titre déjà existant. Elle peut prendre plusieurs formes selon le contexte. Une prise différente en studio, un arrangement ou un mixage différent, une version démo, des paroles ou des couplets différents, des versions live ou acoustiques. Bref, il compte sur vous, ça va être génial. Johnny de A à Z à partir de 22h, 2 minutes peut-être, tout à l'heure sur RIG. C'est la saga. Ah oui, parce que pour l'instant c'est la saga. Somewhere to the south of New York City lies the friendly state of Tennessee. Down in Nashville town I met a pretty, who made a pretty big fool out of me. And they call her Sally, Sally G. Why do you want to do the things you do to me? You're my Sally, Sally G. You took the part that was the heart of me, Sally G. The nightlife took me down to Prince's Alley, where Sally sang a song behind the bar. I ran my eyes across her as she sang a tangled mind. I used to love to hear her sweet guitar. And they called her Sally, Sally G. Why do you want to do the things you do? You took the part that was the heart of me, Sally G. Me and Sally took off, things began to look up. Me and her were going strong. Then she started lying. Say move along, move along. Well, now I'm on my own again. I wonder if she ever really understood. I never thought to ask her what the letter G stood for, but I know for sure it wasn't good. And they called her Sally, Sally G. Why do you want to do the things you do to me? You're my Sally, Sally G. You took the part that was the heart of me, Sally G. Take it, chaps. Sally G. Yeah, Sally G. Mm-hmm. Un instrumental qui date de 1974, interprété, j'allais dire chanté, non, interprété par Paul McCartney et ses potes, mais la chanson a bien été écrite par McCartney, mais pas Paul, Jim McCartney, le père de Paul. Il l'a fait dans les années 20 ou à peu près 20 ou 30. Et c'est pour faire plaisir à son père qu'il a enregistré ça. Sous un nom de code, ça s'appelait les Country Hams, un 45 tours. Et en face B, il y avait Bridge on the River Suite, qui est un autre instrumental de jazz, mais cette fois-ci composé par Paul McCartney. Voilà ce que vous pouvez dire sur ce truc sympa. Hein. Ça s'écoute, je voulais presque jamais passer, je pense. Peut-être jamais, mais ça valait le coup de le passer une fois. Une fois comme ça, parce que c'est plutôt sympa. Est-ce que ça fait country? C'est à vous de juger. Moi, j'aime bien, en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de country, on revient à l'album de Ringo Starr, sorti début janvier 2025. L'album s'appelle Look Up, et voici un autre extrait de cet album-là, un extrait extrêmement bon, comme le reste de l'album. Le titre, c'est Come Back. C'est sur RIG. Turns into day. I walk alone and feel you gone through streets of stone until the dawn. When day turns to night, I await the morning light and another place, another time. Sleep. I'm a Pisces fish. Sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, puisque c'est Yann, je crois, qui a dit « Tiens, maintenant c'est l'album de la semaine dernière. » Oui, c'est vrai. C'était l'album Brainwashed la semaine dernière. Mais il me semble que Pisces Fish, je ne l'avais pas passé. Donc, quelque part, c'était une sorte de petit complément, histoire de montrer que cet album-là aussi est très, très bon. On revient pour la dernière demi-heure du côté des Beatles avec deux morceaux à la suite. Le morceau d'abord, c'est Honey Don't sur l'album For Sale en 1964. Il sera suivi de Norwegian Wood sur Rubber Soul l'année suivante en 1965. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. When you won't say you do, baby, when you don't let me know, honey, how you feel. Tell the truth, how is love real? But well, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Don't. Well, I love you, baby, and you ought to know I like the way that you you wear your clothes. Everything about you is too doggone sweet. You got that sand all over your feet. But stepping around, but well, honey, don't. I said, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. I'll rock on George Baringo one time. Sweet girl, gave it a whirl. But now here I stand alongside the road with holes in my soul, in my shoes, and buku's the blues. The freedom should bring. I see me today and know yesterday, that I threw away my most precious things. I see me a man who's lonely, wants only to lose. Buku's a blue. C'était en 1970 sur l'album Buku's of Blues. Voici le dernier extrait de l'album Look Up. Can you hear me calling sur RG? In the morning, when I call your name. In the morning, when I call your name. When I call your name. When I call your name. In the morning. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me call? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me call? I will never leave you lonely. I will be your one and only. I will live a lifetime to be true. I will love you past forever. Longer than the longest never. Sky will lose its blue. Bad fruit falls to you. In the nighttime, when the four winds blow. In the nighttime, when the four winds blow. When the four winds blow. When the four winds blow. In the nighttime. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me call? If you roam the whole world over, I will hold you ever closer. I will recognize no borderline. If you drift across the ocean, if the world should lose its motion, I will still be yours and you will still be mine. Every moment when you've gone away. Every moment when you've gone away. When you've gone away. When you've gone away. Every moment I can feel you. I can feel you near. I can feel you. I can feel you here. She was a working girl, north of England way.

cache pas plus longtemps, j'adore cette chanson. C'était en 2008 sur l'album Liverpool 8. Et le titre Are You Ready, Ringo Starr. Je vous propose deux dernières chansons. La deuxième, ce sera un medley, j'ai pas le temps de vous en parler. Celle précédente, ce sera Dance Tonight avec Kylie Minogue en 2007 sur l'album de Jules Holland, sur le show Jules Holland Réveillon. Réveillon. RIG 90.7, la radio des Beatles. va pas en croire ses oreilles. Parce que franchement, j'ai rarement été autant à l'heure. À très très bientôt, merci. Et prochaine fois, Eric, je te laisse les mains libres pour faire une excellente émission. Je sais qu'elle va être bien. À bientôt, salut, ciao.